Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le tueur de l'Oise, un assassin au-dessus de tout soupçon. Fin des années 70, l'angoisse gagne ce département de Picardie. Et pour cause, un mystérieux automobiliste percute volontairement des jeunes femmes. Puis, l'agresseur change de mode opératoire et sa violence monte d'un cran. Après avoir pris en charge des autostoppeuses, il les tue à coups de revolver. Gendarmes et policiers se lancent alors à ses trousses, les nerfs à vif, embarqués dans un road movie sanglant. Au total, entre juin 1978 et avril 1979, il comptabilise 15 voitures volées, dont 3 piégées qui blessent grièvement un gendarme et un gardien de la paix, 4 hold-up, mais surtout un meurtre, et 3 tentatives d'assassinat. La dernière se solde par la paralysie à vie de sa victime. En dépit des efforts déployés, l'homme est insaisissable. Et pour cause, il est insoupçonnable. Dr. Jekyll le jour, Mr. Hyde la nuit, comment parvient-il pendant près d'un an à déjouer si facilement les pièges des enquêteurs? Notre invité aujourd'hui, le journaliste Ivan Stefanovic. Après avoir suivi de très près l'enquête sur le mystérieux tueur de l'Oise, il publie en 1984 aux éditions Ballan le livre intitulé « Un assassin au-dessus de tout soupçon » rédigé en collaboration avec Martine Laroche. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Mercredi 31 mai 1978, 2h moins le quart du matin. À la gendarmerie de Chantilly, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris, dans le département de l'Oise, la patrouille de nuit prend son service. Rituel immuable pour les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention. Après avoir enfilé leurs uniformes bleus, ils recueillent les instructions pour la nuit et ils raccompagnent la patrouille précédente. Commence alors la ronde, fastidieuse. Dans la douceur de cette nuit de printemps, la voiture roule lentement à travers la forêt de Chantilly, toute glace ouverte. Rien à signaler, sinon la litanie familière des voitures volées une quinzaine par mois dans le département. Mais arrivé au carrefour des Ripailles, situé à moins de 500 mètres de la caserne, un véhicule abandonné, phare allumé, attire leur attention. Et ils découvrent, enfoncé dans un sentier forestier, une 504 bleue, sans plaque, 2 impacts de balles sur le pare-brise avant, lunette arrière brisée en 1000 morceaux. À l'intérieur de la voiture, sur le siège passager, des cordages, comme si quelqu'un y avait été attaché, et puis un mouchoir taché de sang. Au sol, des mégots de gitane blanche, une seringue hypodermique ayant contenu du diazépam, un puissant tranquillisant, des papiers de bonbons, de chewing-gum et des douilles en nombre, provenant d'un 9 mm et d'une carbine US. Les gendarmes Alain Lamarre, qui a découvert en premier la voiture, avertit immédiatement son chef, l'adjudant Henri Cavalier, qui prévient lui-même la police judiciaire de Creil. Bientôt, une trentaine de gendarmes et de policiers accourent carrefour des Ripailles et passent la 504 au crible. À quelques mètres de la voiture, ils découvrent un plan griffonné à la main. Les préparatifs d'un hold-up visant, semble-t-il, la poste de la ville voisine de Pierrefonds. Un peu plus loin dans la forêt, ils retrouvent les plaques d'immatriculation du véhicule. Il s'agit d'une voiture volée quelques jours plus tôt à la femme d'un gendarme. Oui, alors qu'elle faisait ses courses, elle avait négligemment laissé ses clés sur le contact. De retour dans les locaux de la gendarmerie, on se félicite. Depuis la création de la section, un an plus tôt, on n'avait pas connu de si belle affaire. Cette unité exemplaire, composée de 18 hommes formés aux interventions musclées, reste cantonnée dans la recherche de voitures volées. Là, avec l'affaire dite des Ripailles, ils s'extraient enfin de leur monotonie quotidienne. Mais pour un temps seulement. Car faute de nouveaux éléments, l'enquête s'enlise rapidement. Et donc, retour à la case ennui. Deux mois plus tard, dans la nuit du 23 au 24 juillet 1978, un autre événement, a priori sans rapport avec le premier, se produit à Pont-Sainte-Maxence, à une vingtaine de kilomètres des Ripailles. Il est minuit. Karine Gros-Piron, une jeune fille de 18 ans, rentre chez elle après une soirée entre amis. Lorsqu'un chauffeur lui tire dessus, oui, en pleine rue, à bout portant. Un an plus tard, elle raconte cette agression au micro d'Antenne 2. Je suis sortie du cinéma, il y a des amis qui m'ont demandé de me raccompagner. Moi j'ai dit non, c'est pas la peine, je suis à 100 mètres de la maison. Bon, et j'ai pris le trottoir droit. J'ai avancé, j'ai traversé sur la gauche, je me suis mise sur le trottoir gauche. Et j'ai vu trois voitures qui descendaient de Senlis. Alors je les ai regardées, c'est normal quand vous vous retournez, tout ça. Il était quelle heure? Il était minuit, là il devait être minuit 5. Puis je me suis retournée, puis j'ai vu la dernière voiture, l'R12, qui a fait un demi-tour sur elle. Mmh. Et elle est repassée devant moi et elle m'a tiré dessus trois fois. Il y avait combien de personnes dedans? Il n'y en avait qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu courir, hein. J'ai pris une balle dans la jambe gauche. Puis je suis tombée, j'ai crié, tout ça, puis on est venu. Karine est vivante, annonce aux parents hébétés le chirurgien de l'hôpital Georges de Croze. À peine réveillée, tétanisée bien sûr, la jeune fille est interrogée par trois gendarmes de Pont-Sainte-Maxence. A-t-elle reconnu son agresseur? Et si c'était un amoureux éconduit, ou bien un règlement de compte local? Non, elle n'a rien vu, rien. Sinon, l'image fugace d'un homme au volant d'une voiture rouge. Et pour le reste, elle ne comprend rien à ce qui vient de lui arriver. En tout cas, l'affaire est prise très au sérieux. Une surveillance quotidienne est mise en place devant le domicile de Karine et les patrouilles des gendarmes de Chantilly sont renforcées à Pont-Sainte-Maxence. Ils relèvent toutes les plaques d'immatriculation des voitures rouges qui passent devant le domicile de la jeune fille. En vain. À part les trois douilles de pistolet ramassées sur la chaussée juste après l'agression, les enquêteurs ne disposent d'aucun indice, pas même un témoin. Dix jours plus tard, le 3 août 1978, un gardien de la paix patrouille dans une rue tranquille de Creil, petite commune de l'Oise, à équidistance des Ripailles et de Pont-Sainte-Maxence. Et là, il remarque une voiture mal garée, la seule stationnée côté père, une Renault 12 rouge. Intrigué, il s'approche, ouvre la portière avant, non verrouillée, puis la boîte à gants. Soudain, une détonation retentit, suivie immédiatement d'un incendie. Jacques Verbeck, 28 ans, se jette hors du véhicule. Un réflexe salvateur. Sans ça, il brûle vif. Le piège, efficace et pour le moins artisanal. Un mélange de désherbant et de potassium relie un détonateur. Quant à la voiture, les enquêteurs découvrent qu'elle a été volée un mois et demi plus tôt à un certain Martial Doucet. Il faisait une course, il avait laissé les clés sur le contact. La voiture criblée de balles des Ripailles, l'agression de Karine à Pont-Sainte-Maxence, la voiture piégée de Creil, ces trois affaires se déroulent toutes dans le département de l'Oise en moins de quelques semaines. Alors, les enquêteurs commencent à se demander s'il n'y aurait pas un lien. Lorsque cinq jours plus tard, le 8 août 1978, une lettre anonyme arrive au commissariat de Creil. Deux feuillets manuscrits adressés au commissaire Jean-Jacques Thieffine. Extrait. Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12 rouge immatriculée 1303 QG02. Vos services ont découvert cette voiture jeudi dernier. Si l'explosion est survenue, c'est uniquement en raison de l'imprudence de Jacques Verbeun. Ma spécialité est l'attaque à main armée, mais d'autres méfaits me plaisent également beaucoup. Ma dernière victime est Karine Gros-Piron, qui habite à Pont-Sainte-Maxence, sur laquelle j'ai fait feu à trois reprises, dimanche 23 juillet, à minuit. Une nouvelle forme d'imprudence. Une fille de 17 ans, qui déambule provocamment la nuit, est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur, et non pas les jambes. Je suis un tueur, et en tant que tel, je vais tuer. Cette lettre n'est pas une confession, c'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Signé, point d'interrogation. Pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise plaisanterie, l'auteur anonyme glisse à l'intérieur de l'enveloppe la carte grise de la Renault 12 calcinée. Pas un mot, en revanche, sur la 504 retrouvée au Ripaille. Et bientôt, les résultats des empreintes digitales viennent confirmer le pressentiment des gendarmes. Il s'agit du même homme. Les trois affaires sont bel et bien liées. Une enquête préliminaire est ouverte dans la discrétion la plus totale. Oui, ordre de la hiérarchie. C'est que Il ne faudrait pas affoler la population de l'Oise, encore traumatisée par l'histoire du tueur de l'ombre, Marcel Barbeau, accusé de 8 assassinats dans le département entre les années 1969 et 1976. La lettre mystérieuse arrive alors sur le bureau de l'inspecteur principal de la PJ de Creil, Daniel Neveu, 36 ans. Surnommé Maigret par ses collègues, c'est un travailleur acharné, méthodique. Et il le sait, 9 fois sur 10, le succès d'une enquête dépend de la routine, de recherches ennuyeuses, de vérifications, de contre-vérifications. Cerise sur le gâteau, il est doté d'un flair extraordinaire. À la lecture de la lettre, un détail attire son attention. Il croit reconnaître, dans le style de l'écriture, les traces de la profession, la sienne. Une intuition qu'il raconte sur le plateau de Fait entrer l'accusé, un document du journaliste Nicolas Climois, réalisation Bernard Farou, production 17 juin Média, diffusé sur France 2 le 18 août 2005. Dès le premier paragraphe, il me semble évident que c'est un technicien de la profession qui a écrit cette lettre. Profession de policier ou de gendarme. Mais pourquoi ça vous paraît évident? Vous l'avez là, hein, vous avez... Je l'ai là, oui, je la retrouve d'ailleurs quelques 25 ans après. Quelques précisions concernant la voiture Renault 12 rouge, immatriculée 1303 QG02. C'est la succession type d'une description de voiture par un flic ou un gendarme. Quoi, la marque, le type, la couleur, l'immatriculation. Et tout est à l'avenant. Et tout à l'avenant, la deuxième phrase. Je tiens à préciser que les portières ainsi que le coffre étaient verrouillés. Verrouillés, c'est un terme... Oui, on dit fermé, nous. Bon, bien sûr. Contacté par téléphone, le chef du SRPJ de Lille se montre, disons, dubitatif. S'il reconnaît le talent de Neveu, là tout de même, il se dit, il va trop loin. Enfin, comment ose-t-il soupçonner l'un des siens? Il refuse catégoriquement de prendre cette hypothèse en considération, encore moins de l'évoquer dans le service. Des investigations au sein de la police et de la gendarmerie seraient dans de telles circonstances malsaines et inutiles, donc pas un mot sur la lettre, elle n'existe pas. Pendant ce temps, les hommes de la police judiciaire de Creil suivent une autre piste. L'homme qui a volé et piégé la Renault 12 rouge a utilisé à plusieurs reprises le chéquier de son propriétaire, Martial Doucet. 21 fois au total, pour des sommes souvent dérisoires, plein d'essence, notes de restaurant, d'hôtel, achats de vêtements. L'homme joue avec les enquêteurs, qui n'ont d'autre choix que de suivre ce fil d'Ariane, avec toujours un train de retard. L'itinéraire emprunté par le voleur est totalement farfelu, plus de 2000 km dans la région en moins de 2 mois. Cependant, grâce au témoignage des commerçants, les policiers commencent à se faire une idée de l'homme qu'ils recherchent. La trentaine, beau garçon, élégant, poli. Jamais d'ailleurs on ne lui a demandé sa carte d'identité, non, il inspire confiance. Un premier portrait robot est donc dessiné, mais imprécis. Tombe alors l'expertise balistique. L'arme qui a tiré sur Karine à Pont-Sainte-Maxence est un pistolet Beretta calibre 9 mm court, une arme rare, appréciée des collectionneurs et des militaires. Et puis, plus rien. Trois mois après la réception de la lettre, et malgré les menaces de l'auteur, aucun meurtre n'est signalé dans l'Oise. Jusqu'à cette tentative du 10 novembre 1978. Sur une route, près de Compiègne, dans le même département, une jeune cyclomotoriste, Patricia, même âge et même silhouette que Karine, est volontairement renversée. Sauvée in extremis par l'arrivée d'une autre voiture, elle parvient à mémoriser la plaque de son agresseur. Le véhicule est une 504 de couleur marron. Pourtant, au commissariat de Compiègne, son histoire n'intéresse personne, comme elle en témoigne 6 ans plus tard au micro d'Antenne 2. J'ai été reçue par un enquêteur. Enfin, je lui ai raconté mon histoire, et sans plus. Enfin, on ne m'a pas pris du tout au sérieux, de toute façon. Donc la police ne s'est pas occupée de votre cas? Non, j'ai jamais eu de suite, j'ai jamais rien entendu parler. Six jours plus tard, le 16 novembre, le même scénario se produit à Fitchjam, toujours dans l'Oise. Une jeune femme de 20 ans est renversée alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Renversée par une 504 marron. Cette fois, l'enquête est confiée à la gendarmerie de Clermont, dirigée par un officier truculent, le capitaine Jean Pinault. Il est surnommé Colombo par ses hommes, à cause de son flair, qui n'a rien à envier à celui de Neveu, ni à celui de Peter Falk. Et 2 jours plus tard, Sur le parking de la gare d'Aury-la-Ville, toujours dans l'Oise, la 504 marron est retrouvée par la patrouille de nuit de Chantilly. Le gendarme Lamarre et son coéquipier Carpentier s'approchent alors du véhicule. Mais alors que ce dernier ouvre la portière, il s'embrase. Brûlure au visage et aux mains, spectaculaire, mais sans gravité. Carpentier s'en sort bien. Les gendarmes font tout de suite le lien avec la Renault 12 piégée de Creil, retrouvée 3 mois plus tôt, blessant déjà un gardien de la paix. Mais l'auteur de la lettre anonyme n'en a pas terminé, et il va le prouver. Vendredi 1er décembre 1978, 14h10. Derrière l'hippodrome de Chantilly, une jeune femme est retrouvée au bord de la route. Elle a reçu plusieurs balles dans le corps. Yolande, 19 ans, est hospitalisée d'urgence, mais elle décède le soir même. Avant de mourir, elle a le temps d'expliquer aux enquêteurs que son agresseur l'a prise en stop à la sortie de Pont-Sainte-Maxence. C'était un homme d'une trentaine d'années, courtois, bien habillé. Après lui avoir parlé de la pluie et du beau temps, il a subitement changé d'attitude. « Je vais vous faire mal », lui dit-il d'une voix à peine audible. Une balle l'atteint au cœur. Les gendarmes pensent aussitôt à la lettre anonyme qui disait « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Ils se souviennent aussi que c'est à Pont-Sainte-Maxence que Karine a été agressée en juillet dernier. Une intuition confirmée par l'expertise. L'arme utilisée contre Yolande est un Beretta 9 mm, la même arme que celle qui a blessé Karine. Et puis, s'ajoute un témoignage. La voiture qui a pris en stop Yolande, une GS bleue immatriculée dans la Somme, est retrouvée 2 jours plus tard. Piégée, mais déjouée. Attends. À l'intérieur, le même attirail que dans la 504 des Ripailles. Mégot de gitane blanche, seringue hypodermique, papier de bonbon. C'est bien l'auteur de la lettre anonyme qui a tué Yolande. Cet homme qui nargue la police et les gendarmes depuis maintenant plus de 6 mois. Le 12 décembre 1978, au lendemain des obsèques de Yolande, une grande réunion rassemble les commandants des 4 gendarmeries de l'Oise. Ils sont tous informés des 17 affaires que l'on prête au même homme, de vol de voiture en hold-up, d'agression en assassinat. Et on leur remet à tous, enfin, une copie de la lettre anonyme. Malgré les réticences de la hiérarchie, il est temps à présent que tous les policiers et les gendarmes du département travaillent main dans la main pour arrêter celui qu'on appelle désormais le tueur de l'Oise. La lettre entre les mains, le capitaine Pinault, alias Colombo, tombe de sa chaise. 4 mois après l'inspecteur Neveu, alias Maigret, il parvient, sans le savoir, à la même conclusion. Et il le raconte dans Fait entrer l'accusé, diffusé le 18 août 2005 sur France 2. Je lis la lettre et, curieusement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait des expressions dans cette lettre qui je me suis dit, mais c'est un gendarme qui a écrit ça. Le véhicule Renault 12, de couleur rouge, immatriculé, ça c'est chez nous, ça. Hein. Il y a des expressions qui sont typiquement gendarmes. Alors là, mon adjoint, tout le monde, tous ceux que j'avais autour, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, voyons, un gendarme, voyons, c'est pas possible. Ils m'ont dit, mais un gendarme, c'est un homme comme un autre. Je dis pas qu'il a une activité, mais les gendarmes, il y a des gendarmes qui tombent malades, il y a des gendarmes qui sont soignés, puis les hommes, c'est des hommes. Hein. La hiérarchie de Pinault ne veut rien savoir. Elle juge sa thèse outrageante et scandaleuse. Le verrouillage est total. Il est hors de question de relever les empreintes de nos hommes. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit-on. Eh bien, de ce côté, Pinault prend l'initiative très personnelle de vérifier l'emploi du temps de ses gendarmes à Clermont. Sans résultat. Il en est là de ses réflexions quand le tueur fou frappe de nouveau. Thank you. C'est déjà 9 mois que le tueur sillonne les routes de l'Oise et de la Picardie à la recherche de victimes. Des autostoppeuses qu'il choisit jeunes et de préférence brunes. Il procède souvent de la même manière. Rôdant autour des gares de banlieue, il repère les voitures laissées par les voyageurs sur les parkings. Apparemment, il s'attaque surtout à celles dont le propriétaire imprudent a laissé les clés de contact sur le tableau de bord. Et il faut croire qu'il y a beaucoup d'imprudents. Dans les dernières semaines, il en a volé au moins 3. Tous ceux qui l'ont vu ou approché le décrivent comme un homme jeune, brun, d'aspect sympathique, environ 25 à 30 ans, toujours bien mis, courtois et même blagueur. Les policiers qui le traquent savent aussi qu'il connaît parfaitement la région. Il opère dans une zone d'environ 150 km et aucune route, semble-t-il, n'a de secret pour lui. Vendredi 29 décembre 1978, Crépy-en-Valois, dans l'Oise. En fin de matinée, une jeune fille est retrouvée sur le bord de la route, grièvement blessée mais consciente. André, 19 ans, explique qu'on vient de lui tirer dessus 3 fois à bout portant. L'homme l'avait prise en stop un peu plus tôt à la sortie de Compiègne. Charmant, jeune, élégant. Mais brusquement, il a changé d'attitude. « Je vais vous faire mal », lui a-t-il dit. « Tiens donc ». Touché à l'abdomen, André réussit à ouvrir la portière et tombe sur la chaussée. Un témoin appelle immédiatement la gendarmerie. La voiture qui vient de prendre la fuite est une 504 verte. Et tout laisse à penser que son conducteur n'est autre que celui qu'on surnomme le tueur de l'Oise. Oui, même profil, même mode opératoire. Depuis bientôt 7 mois, il défie les forces de l'ordre et terrorise le département. Voiture piégée, escroquerie, hold-up, tentative d'assassinat et meurtre. En moins de temps qu'il faut pour le dire, toute la région est bouclée. 2 heures plus tard, bingo, à la sortie d'un pont, une estafette de gendarmes aperçoit la 504 verte. Mais elle leur fonce dessus et prend la fuite. La course-poursuite s'engage. Témoins de la scène, des terrassiers qui travaillent au bord de la route sont interviewés par des journalistes d'Antenne 2. Ça s'est passé, on a vu passer une voiture à très grande vitesse, juste devant nous, quoi. Elle était de quelle couleur, cette voiture ? Vert clair. Et c'était quoi comme marque ? 504. Il allait très très vite ? Très vite, oui. Et c'est même étonnant qu'il a pu passer ce virage juste après, là. Sinon, il s'arrêtait là. Et comment savez-vous que c'était lui ? Bah, tout de suite après, peut-être 3 ou 4 minutes après, les gendarmes qui passaient derrière. Bon, après avoir raté son virage, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Bah, elle a été vers le lieu-dit La Bascule, c'est près de l'Oise. Et disons 3 ou 4 minutes après, c'était les gendarmes qui le suivaient. Et apparemment, ils ont été bloqués à... à la barrière qui se situe à peu près à 100 mètres de l'Oise. Et la voiture, vous l'avez vue, elle a été retrouvée où ? Bah, 200 mètres du lieu dit la bascule, en direction de Verberie. Et apparemment, il s'était enlisé, là. Ah oui, oui, bien enlisé. Et il a dû continuer à pied, donc. Les gendarmes retrouvent le véhicule embourbé, vide. Ils préviennent le SRPJ de Creil. Aidés par un hélicoptère, ils quadrillent la zone, un vaste marécage boueux bordé par l'Oise. La battue dure depuis plus d'une heure. Lorsque la pluie les contraint, rebroussent chemin. Ils doivent se rendre à l'évidence. Le tueur de l'Oise leur a glissé entre les mains, disparu, volatilisé. Un échec incompréhensible pour les enquêteurs. Décidément, le maniaque connaît aussi bien la région que le mode opératoire des forces de l'ordre. La thèse d'un gendarme ou d'un policier assassin prend alors un peu plus de corps. Deux jours plus tard d'ailleurs, le 31 décembre 1978, elle est évoquée cette thèse, et pour la première fois dans une dépêche AFP, reprise par tous les journaux télévisés. Et le démenti ne se fait pas attendre. Peut-être une piste pour les policiers chargés d'arrêter le tueur de l'Oise, il pourrait s'agir de l'un d'entre eux ou d'un gendarme. En effet, les enquêteurs viennent de révéler que le 10 août dernier, le commissaire central de Créteil avait reçu une lettre manuscrite qui lui avait été adressée personnellement avec pour toute signature un point d'interrogation. Or, dans cette lettre, le maniaque décrivait très exactement de quelle façon il avait l'intention d'abattre des jeunes filles, mais surtout, il donnait certains détails que seul un policier ou un gendarme peuvent connaître parfaitement. Les policiers retiennent donc cette hypothèse, c'est du moins la rumeur qui courait ce matin, l'hypothèse que le nouveau tueur de l'Oise pourrait être un membre des forces de l'ordre en service ou un ancien policier ou gendarme. Et à l'instant, on m'apporte une précision, les services de police judiciaire de Lille dont la position reflète celle du procureur de la République à Senlis, déclare ce matin, dans un communiqué à propos de l'enquête sur le nouveau maniaque de l'Oise, que rien ne peut dire qu'en l'état actuel de l'enquête, des soupçons se portent sur un membre des forces de police ou de gendarmerie. Donc vous voyez une contradiction par rapport aux premières informations que nous avions. Malgré le démenti officiel, l'idée fait son chemin dans la tête des enquêteurs. Mais oui. Si c'était vrai, hein ? Et si le tueur de l'Oise était l'un des leurs ? Au début de l'année 79, policiers et gendarmes commencent à se regarder de travers, se suspectant réciproquement et dangereusement. Et peu à peu, l'ambiance se dégrade. L'éternelle guéguerre des polices est à son comble. De son côté, le chef de la gendarmerie de Chantilly, Henri Cavalier, dort, lit sur ses deux oreilles. Son supérieur hiérarchique lui assure avoir comparé les emplois du temps de tous ces hommes, plus de 150 quand même, avec le calendrier des crimes, rien à signaler. La presse, elle, ne s'embarrasse pas de doute et fait ses choux gras de l'hypothèse d'un gendarme ou d'un policier assassin. Depuis l'attaque d'André à Crépy-en-Valois, qui laisse la jeune femme paralysée à vie, les journaux suivent l'affaire jour après jour. La lettre anonyme, reçue 4 mois auparavant par la police, ainsi qu'un portrait robot du tueur, sont publiés en première page d'un grand nombre de quotidiens. Quelques jours plus tard, le 10 janvier 1979, une seconde lettre, signée encore une fois d'un point d'interrogation, arrive dans les bureaux de la PJ de Creil. L'auteur revendique les crimes. Le meurtre de Yolande à l'hippodrome de Chantilly, la tentative d'assassinat d'André, la course-poursuite dans les marécages, tout ça, c'est lui. Le reste de la lettre est glaçant. Je hais les hommes, j'exècre les femmes, je veux détruire et tuer au hasard. La folie n'est pas en moi, elle est dans l'homme, dans la société qu'il a construite, dans le crime éternel qu'il commet. Les enquêteurs sont sur le qui-vive. 3 mois après la réception de cette seconde lettre, aucune agression de jeune femme n'est à déplorer. Seulement des voitures volées. À bout de nerfs, contraints de vérifier la moindre piste, les policiers et les gendarmes se perdent dans les méandres de l'enquête. Mais à trop vouloir narguer la police, le tueur prend des risques. Le 17 mars 1979, il tombe en panne sur le bord de l'autoroute au volant d'une voiture volée. Le garagiste venu le dépanner témoigne au micro de France Inter. C'était 4h30, on a été appelé pour un dépannage, j'y suis allé. C'était une R30 TX avec une courroie de cassée. J'arrive sur place, je change la courroie. Le joint de culasse était pété, j'ai dit au gars qu'il fallait venir au garage. Le mec, pas de problème, il a dit bon, bah, c'est parti pour le garage. En cours de route, il m'a demandé uniquement l'heure. Et puis qu'il allait se faire engueuler par son père. Parce qu'il disait que la voiture était à son père. Voilà, c'est ça. Arrive au garage, je descends le véhicule. Il demande pour téléphoner au standard. Et puis on l'a plus jamais revu. Comment était-il physiquement? T'es 1m70, 65-70 kilos, cheveux assez courts, peigné un peu vers l'avant, châtain clair. Moi, pour moi, c'était un mec comme les autres. Hein. Il présentait bien, moi, pour moi, il a été correct, je n'ai rien à dire. Grâce à ce témoignage, un nouveau portrait robot est publié dans la presse. Les taux se resserrent. Au début du mois d'avril, une opération coup de poing est mise en place. 50 équipes composées chacune d'un policier et d'un gendarme font du porte-à-porte dans tout le département, croquis à la main. Reconnaissez-vous cet homme? Les enquêteurs aussi se posent la question. À la compagnie Clermont, Claude Morel, un sous-officier du commandant Pinault, est troublé. Non, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Il montre quand même le dessin à sa femme. Et elle s'exclame, mais c'est Lamar, le petit gendarme qui habitait au-dessus de la salle d'études. Alain Lamar, son ancien collègue à la gendarmerie de Clermont, c'est bien ce qu'il pensait. Mais avant de dénoncer un militaire, il faut des preuves, évidemment. Et il les trouve, ces preuves, dans les archives de sa compagnie. Il compare l'écriture des procès-verbaux de Lamar et celle des lettres anonymes, ce sont les mêmes. Le samedi 7 avril 1979, après deux nuits sans sommeil, il en parle à son chef Pinault, qui ne connaît pas cet Alain Lamar, muté à Chantilly le jour de son arrivée à Clermont. Alors il se renseigne. Lamar est un jeune gendarme, 22 ans, très bien noté par sa hiérarchie, sérieux. Il ne fume pas, il ne boit pas. Son seul vice, les armes à feu qu'il collectionne. Alors il va chercher immédiatement le chef de Lamar à Chantilly, l'adjudant Cavalier. Est-ce que vous pensez que le tueur de l'Oise, ça peut être lui? Lui demande Pinault. « Non, c'est mon meilleur, » répond Cavalier. « Le seul qui s'intéresse à l'affaire. Tous les jours, il me demande si on arrêtait ce salaud. » Pinault le regarde, mais de plus en plus convaincu. « Allez, allez vérifier les emplois du temps, Cavalier. »« Bien, mon capitaine. » La suite, il la raconte en fait entrer l'accusé, un document du journaliste Nicolas Glimois, réalisation Bernard Farou, production 17 juin Média, France 2, diffusée le 18 août 2005. « On commence à prendre depuis le début des affaires et... » Et on s'aperçoit très vite qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il est hors service, si vous voulez. Donc il n'est pas toujours en repos ou en permission, mais il était dans un créneau qui lui permettait de faire quelque chose. Et là, je dois dire que très vite, on a les boyaux qui se nouent, comme on dit, vous savez, vous avez une frousse qui vous vient là, quelque chose qui vous serre les tripes. Cavalier se rend à l'évidence. L'hypothèse de Lamar tient à la route. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé la 504 criblée de balles au carrefour des Ripailles. C'est lui également qui a découvert la voiture piégée, blessant son coéquipier Carpentier. Alors Cavalier en prend conscience. Recherché depuis 11 mois, le tueur de l'Oise était sous ses yeux. Dans la nuit du 7 au 8 avril 1979, l'adjudant Cavalier rappelle en urgence toutes les unités extérieures à la caserne de Chantilly. Une urgence, un leurre en réalité, pour coincer le tueur sans bavure. Lorsqu'il arrive dans la cour de la gendarmerie, Lamar tient un pistolet mitrailleur à la main. « Qu'est-ce que vous faites, Lamar? Vous allez à la guerre, une bande cavalier? Allez, posez-moi ça, on vous attend là-bas. » Lamar hésite, puis pose son arme. Alors cavalier ceinture, l'interrogatoire commence. Il va durer toute la nuit. Lamar n'avoue rien, mais bientôt il ne peut plus nier l'évidence. Les analyses des empreintes digitales sont sans appel. Le gendarme Lamar est le tueur de l'Oise. Une chape de plomb s'abat sur la section de Chantilly. Depuis presque un an, il cherchait sans le savoir l'un des leurs, un collègue, un ami. Malgré la colère et l'abattement, il est temps à présent de perquisitionner son domicile. Il est 6h du matin, c'est 8 avril 1979, lorsque les gendarmes pénètrent dans l'appartement 176 de la cité Lefébure. Tout y est, les armes, Les seringues de diazepam, les mégots de cigarettes, les chéquiers et l'autopsie de Yolande. Une vraie caserne d'Ali Baba en termes de preuves matérielles. À 13h, les médias annoncent l'arrestation du gendarme Lamar. Ce soir dans l'Oise, on dormira tranquille, les femmes surtout. Le tueur de l'Oise, deuxième du nom, a enfin été arrêté. Étrange et dangereuse d'ailleurs la personnalité de ce jeune criminel. Un gendarme en activité d'une vingtaine d'années. C'est vers 16h, au milieu de la bousculade des habitants de la cité de Fébure, la cité HLM où il habite, Alain Delamarre a quitté son appartement, la tête recouverte d'un imperméable pour cacher son visage. Je l'ai vu moi avant-hier, descendait pour aller travailler. On n'aurait jamais pensé qu'il était comme ça, mais pour moi, il m'a dit bonjour monsieur, il m'a répondu bonjour monsieur, c'est tout. Ouais. Depuis le matin, ceux qui la veillent au soir étaient encore ses collègues, perquisitionnés chez lui. Pourquoi une aussi longue perquisition? Eh bien, il semble que le gendarme Delamarre avait emmagasiné chez lui beaucoup de matériel, devenu maintenant des pièces à conviction accablantes. Quand je vous l'ai dit, il s'agissait bien d'un gendarme. Vous n'attendez pas, hein, pas un bruit, tout ça. Il était peut-être un peu sournois, je sais pas, hein. Il avait tout le temps la tête baissée, comprenez? Lamarre est amené à la gendarmerie de Senlis, puis à la prison d'Amiens. Il revient à présent à la jeune juge d'instruction en charge de l'enquête de répondre à cette épineuse question. Alain Lamarre était-il dément au moment des faits? Si la réponse est oui, il sera jugé irresponsable pénalement de ses actes. Le cas échéant, il n'y aura pas de procès. Alors, ce verdict. Eh bien, on en parle dans un instant avec notre invité. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le tueur de l'Oise, notre invité, le journaliste Ivan Stefanovic. Bonjour. Bonjour. Après avoir suivi de très près l'enquête sur le mystérieux tueur de l'Oise, vous avez publié en 1984 aux éditions Ballant un livre intitulé « Un assassin au-dessus de tout soupçon ». Maintenant, on comprend mieux le titre, rédigé en collaboration avec Martine Laroche. En 2014, votre livre a fait l'objet d'un film réalisé par Cédric Angers avec Guillaume Canet, intitulé « La prochaine fois ». Je viserai le cœur. Et là aussi, on comprend bien le titre. Alors, avant d'entrer dans les détails de l'affaire et revenir sur votre enquête longue de plus de 3 ans, bien cette question qui nous brûle les lèvres. Alors, dément ou pas dément, donc, quel verdict ? Bon, écoutez, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Chacun a une vision de la démence différente. Ce qu'on peut reconnaître, c'est que la gendarmerie et les autorités politiques ont tout fait... Et même moi, parce que c'est moi qui ai trouvé l'avocat à la mare, hein, le maître Kiechmann, ils ont tout fait pour qu'il y ait un article 64 et qu'il soit déclaré dément. Mais je veux dire, c'est la règle du jeu, puisque les autorités étaient en cause. Hein, on ne voit pas un gouvernement et une gendarmerie ne faisant pas pression. On n'est pas... il faut avoir le sens de la réalité. C'était pas du tout l'intérêt des autorités policières et judiciaires qui s'étaient battues dans cette affaire. Il y a eu une guerre des polices invraisemblable. Et que ça aille sur la place publique, au-delà du cas de Lamar. Si vous voulez, le cas de Lamar, on s'en fout qu'il soit fou, qu'il soit pas fou. Il y a une réalité politique, il fallait pas qu'il y ait de procès. Donc il n'y a pas eu de procès. Déclaré dément. Alors donc, pour vous, ce verdict a été... C'est même pas un verdict, d'ailleurs, c'est non-lieu, voilà. Il n'y a pas d'affaire, hein, donc c'est la hiérarchie policière, selon vous, a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'affaire, c'est ça. Et politique, pourquoi ? On comprend pourquoi, mais plus précisément politique. Jusqu'au ministère de l'Intérieur, des armées ? Oui. Moi, je peux vous dire que j'étais journaliste à l'agence France-Presse, donc j'avais 2 départements au nord de Paris. Mmh. Un peu bizarrement, le Val-d'Oise et l'Oise. Et à l'époque, on était 40 en France. À l'AFP, ce système n'existe plus du tout. Maintenant, l'information est beaucoup plus centralisée, comme on le voit en matière antiterroriste. Moi, je pense que les journalistes ont peu d'informations. Hein. Parce qu'à l'époque, on en pouvait écouter la police, les gendarmes, tout ça, avec des moyens sophistiqués, des récepteurs qu'on faisait venir du Japon. Aujourd'hui, tout est crypté. Donc aujourd'hui, jouer aux gendarmes et aux cow-boys avec comme on l'a fait, c'est strictement impossible. Mais vous m'avez posé une question. Je me souviens plus ce que vous m'avez demandé question. La toute dernière. Oui, la question que vous m'avez posée. Vous pouvez me la redire parce que j'ai oublié. Oui, je vous demandais de confirmer que pour vous, il n'y a pas eu de procès, pas eu d'affaire, il y a un non-lieu parce qu'il y a eu une pression de la police et vous dites même politique. Et je vous demandais si ça venait du ministère de l'Intérieur ou de la Défense ou les deux. Bah, bien sûr, ça venait, c'est tout à fait normal parce qu'il y avait des tas de cadavres dans le placard, donc c'est humain. Je veux dire, c'est pas, moi, ça me scandalise pas. Mais moi-même, j'ai été l'objet de pression. Parce que moi, quand j'ai fait ma dépêche, c'était la nuit de Noël. Non, la nuit du jour de l'an. Je me suis débrouillé à l'AFP pour qu'elle passe avec des complicités au sein du desk et tout. Parce que à 5h du matin, parce que je sais ça, elle serait jamais passée en pleine journée. Mais ça, faut être un peu malin. C'est la règle du jeu. Donc, ensuite, j'ai été convoqué par le directeur de l'information de l'AFP, qui s'appelle Claude Moisy, brave homme, et qui m'a sommé de me donner ses sources. Il m'a dit, j'ai eu des pressions très fortes de Christian Bonnet, du ministre. On est l'agence France-Presse, on peut pas comme ça écrire des choses comme ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors donnez-moi vos sources. Là, et puis 2 ans après, j'ai été muté d'autorité. Quand il vous a dit ça, la dépêche, elle était déjà partie dans le circuit. Bah, tout le monde avait. Okay. Évidemment. Et alors, qu'est-ce qui se passe après, vous êtes muté ? Mais c'est la règle du jeu aussi. On n'est pas. C'est pas la règle du jeu partout dans les rédactions, heureusement. Oui, mais enfin bon, à l'époque, si vous voulez, plus de 60% des abonnements, c'était l'État. Donc c'est difficile. De résister. Et en plus, ça arrangeait tout le monde. Ça. Et puis, il n'aurait pas été déclaré fou s'il y avait une 4e expertise. On a jugé qu'elle était nulle. Quoi. On a annulé une des expertises. Hein, voilà. Alors, on pense aux victimes, hein, quand elles ont su ça. On va d'ailleurs écouter la réaction de Karine, cette jeune fille agressée dont on a parlé dans le récit. Donc, après la prononciation du non-lieu, c'était le 20 janvier 1983. Karine, donc, pour être précis, c'est la jeune femme agressée par Lamar à Pont-Sainte-Maxence. Elle a reçu 3 balles, dont une dans la jambe. Écoutez ce qu'elle dit. Je pense qu'on rentre pas fou chez les gendarmes, hein. En principe, hein. Il y a des examens avant de rentrer chez les gendarmes. Je pense qu'ils auraient dû mieux faire leur travail. Hein. Si un jour il ressort, vous savez, on ne sait jamais. Hein. On devrait le condamner et puis pas demander quoi que ce soit aux victimes, c'est tout. Et moi, je trouve que c'est pas normal que, qu'il n'y ait pas de suite, car il y en a une qui est décédée, l'autre qui est paralysée, et moi, il m'a fait des menaces, et en plus, j'ai mes doigts de pied qui sont paralysés, du côté gauche. Alors pour moi, c'est pas normal. Donc vous allez faire appel et peut-être demander des dommages et intérêts. Oui, et j'espère, je souhaite que ça marche. Elle dit, on ne rentre pas fou à la police ou à la gendarmerie. La phrase est intéressante. Oui, mais enfin, on commence la folie et finit, mais ouais. Le problème c'est que c'est aller jusqu'au Conseil d'État, parce que la gendarmerie voulait pas payer. Aujourd'hui, c'est nous qui payons la solde de maintenant, il doit être à la retraite, parce que c'est un jeune sexagénaire. Aujourd'hui, il a complètement changé, évidemment, dans sa tête, certainement, du gendarme Lamarre. Mais on l'avait payé sa solde, nous, contribuables, puisqu'il, quand il a signé sa lettre de démission, le général Chouard, dans la fameuse nuit, quand il est arrêté, il est venu de Lille, en pleine nuit, avec son chauffeur, il voulait absolument lui faire signer sa lettre de démission. Pour dire, c'est pas de ma faute, etc., il est fou. Etc. Mais évidemment, les juges administratifs en ont jugé autrement. Ils ont dit que la gendarmerie, elle s'est retrouvée entre guillemets baisée, si vous voulez, et nous le contribuable, parce que soit il était fou avant de rentrer dans la gendarmerie, et là c'était assez dur, la gendarmerie a dit son histoire parce qu'elle a des experts psychiatres, soit c'est la gendarmerie qui l'a rendu fou. Donc c'est une histoire de fou. Hein. C'est qu'à le dire. C'est que c'est nous qui payons. On paye. Il y a Françoise Ropiron qui est adjointe au maire de Crépy-en-Valois, qui se balade en fauteuil roulant depuis près de 40 ans. Bon, parce qu'elle a eu la moelle épinière touchée. Bon, c'est nous qui payons les indemnités et tout. C'est le contribuable qui paye. On paye on paiera la retraite de. Oui, ce qui reste moins grave que le handicap à vie de la personne quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, dans le royaume des responsabilités, là... Oui, en termes de responsabilité, n'ont absolument pas été mis en cause les différents patrons, etc. La police judiciaire, les deux policiers pour... on peut dire qu'ils n'ont pas eu de promotion. Hein. Vous parliez tout à l'heure de celui que j'ai surnommé Maigret, et puis l'autre, le capitaine Pinot Colombo. Ils ont été une fin de carrière extrêmement... Pinot, il a été muté presque disciplinairement. Il s'est retrouvé à l'école de la gendarmerie, pour vous dire. Comment il s'appelle, Daniel Neveu, l'inspecteur de la PJ, qui n'a pas quitté son grade, inspecteur principal, hein, c'est tout, inspecteur divisionnaire. Mais son chef, par contre, le commissaire divisionnaire Georges Gréco, lui, il a eu une brillante fin de carrière, à la dire. Si vous voulez... Plus on fait de bourdes dans le métier de, c'est marrant, dans notre pays de gendarmes, de policiers ou même d'antiterrorisme, plus on a de c'est l'avancement à l'ancienneté finalement. Ce que vous faites a peu d'importance. On est dans une vie comme ça. Alors moi, on a un nouveau président de la République qui dit que maintenant c'est l'entreprise, on va avancer au mérite, que tout va être transparent, etc. On attend, c'est sympathique ce qu'il dit. Hein. Est-ce qu'elle a reçu des indemnisations? Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, Karine, et d'autres. Il y a eu des indemnisations? Oui, mais Karine, c'est rien du tout, parce que c'est une petite blessure. Enfin, vous savez, c'est pas. Elle a été très très légèrement blessée. Elle n'est pas restée des jours à l'hôpital. Hein. Alors les autres. Il y a une dimension. Quand était moins légèrement blessée. Il y a une dimension psychologique, évidemment, importante. Il y a celle qui a été tuée, mais vous savez, avec les parents, bon, je discutais avec ses parents. Le problème, c'est que. En cas de mort, ça rapporte peu, hein, si je puis dire. C'est comme les accidents de la route. Hein. Les indemnisations, c'est les gens qui sont blessés. Les gens qui sont morts, c'est presque ridicule, je veux dire. C'est pas grand-chose. Hein. Mais par contre, Alain Lamarre, lui, il est dans un hôpital du nord de la France. Moi, je tiens secret parce que je veux absolument pas qu'il y ait des journalistes qui ils veulent absolument le photographier, etc. et tout pour en faire des kilomètres. Moi, je trouve que c'est malsain. Hein. On m'a offert de l'argent, mais j'ai refusé. Hein. Et il est dans cet hôpital psychiatrique, donc. Quand vous dites qu'il est, vous parlez aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. C'était quoi son parcours après l'affaire? Il a été enfermé d'abord à la prison d'Amiens jusqu'en 84, où il a bénéficié de l'article 64, donc on l'a clarifié ou pas de gendarme. Et là, il y a deux centres, vous savez, psychiatriques durs. Il y a Cadillac en Gironde, qui sont des sortes de prisons, et Sarreguemines dans les Ardennes. ou en, c'est plus Sarreguemines ou dans la Moselle, je crois que c'est dans les Ardennes. Je crois que c'est la Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Je prends un risque, oui. Hein, mais... Oui, enfin, c'est dans le nord-est de la France. Dans la Moselle, on verra. Et là, il a eu un régime extrêmement dur, là, c'est un régime de filles. Puis, il est assez rapidement parti, on voulait le mettre à Clermont, alors où il était gendarme, alors ça fait un scandale. Bah, et oui. Tout. Et alors, mais c'était l'administration, c'était comme ça. Et il a finalement atterri dans une petite structure psychiatrique pas très loin de chez lui, où il fait, bon, il est bourré de neuroleptiques, etc., mais où il fait tellement l'affaire qu'il sert d'auxiliaire infirmier. Parce qu'il n'y a pas le budget de l'EHPAD. Hein. Donc, il rend service à l'hôpital, comme il est, ça se passe très bien. Et puis, il a des permissions presque toutes les semaines. Et là, on vient le chercher, son frère ou quelqu'un de sa famille. Et il est resté très proche de sa famille. Et il faut souligner aussi que sa famille l'a beaucoup assisté. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'un de ses frères, qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé de lui. Ils ne l'ont pas laissé tomber. Mais qu'est-ce qu'il dit quand on lui demande pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, c'est la question à pas lui poser parce qu'il répond pas. Ouais. Moi, le plus beau truc que j'ai fait, c'est pour lui, c'est narcissique, c'est ce livre. J'ai presque travaillé pour lui, j'en suis désolé. Et puis c'est le film, quoi. Et tout ce qu'on a eu, les émissions et tout. Mais lui, là, il dit rien. Il est discret, etc. Bon. Mais ça alimente la psychose, hein, bien sûr. Mais il y a d'autres affaires qui... Moi, je suis persuadé qu'il a commis d'autres meurtres, notamment le tueur du BHV, qui a eu lieu dans le bricolage du BHV. Il y a eu un mort et plusieurs blessés. C'est exactement la même disposition. À la même époque ? Il y a lettre anonyme. Ça suffisait. La police et le parquet de Senlis n'ont absolument pas voulu enquêter là-dessus. Si vous voulez, il n'était pas question de... Parce que c'est un personnage... c'est vrai que c'est un personnage de roman, mais il allait dans tous les sens. C'était un garçon très, très organisé. Il voulait absolument qu'on parle de lui. Ah, on commence à avoir un élément d'explication. Oui. Il voulait qu'on parle de lui. Ah oui, c'est sûr. Il cherchait une reconnaissance. Mmh. Alors, on va revenir. Il l'a eu quand il a été arrêté. Il a tout fait pour qu'on l'arrête. Il les a beaucoup, beaucoup aidés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il l'a fait exprès. L'histoire de la panne sur l'autoroute avec là. Et puis aussi, il a eu peut-être des complicités parce qu'il y a eu un sous-préfet de Clermont qui était préfet à l'époque. Depuis, il est mort du sida, le brave homme. Mais lui, évidemment, il se voyait. Ouais. Donc ça pose énormément de questions. Mais évidemment, là les enquêtes sont stoppées net, on n'a rien fait. Hein. Parce qu'il y avait des tas d'autres choses. Les chèques volés aussi, c'était dans des endroits un peu bizarres, certains fréquentés par les homosexuels et tout. Donc ça posait énormément de questions au niveau des complicités, etc. Et comme il était homosexuel... donc il avait une double sexualité, avec les femmes ça marchait pas du tout, donc il y a des tas de questions, il y a des portes ouvertes, mais on n'est pas justicier, moi je suis pas justicier, bon l'affaire est terminée, on peut faire un roman, mais il n'est pas question de régler les comptes et de dire on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Je peux dire qu'il y a des, on sait, il y a eu tellement, cette affaire elle était tellement traumatisante pour les services de police, que dès qu'ils ont pu refermer la porte, faut se mettre à leur place, moi je comprends ça très bien. On vit pas dans un monde de bisounours. C'est clair. Hein. Vous avez eu du mal à écrire votre livre, ce qui a des informations vraiment qui ont été difficiles, j'imagine, oui, difficiles à trouver. Vous avez eu des empêchements, vous m'avez parlé de pression aussi. Non. Pendant mon travail journalistique, oui, mais j'ai eu des problèmes avec la haute hiérarchie de l'AFP quand j'ai fait ce livre, parce qu'ils l'ont très très mal pris. J'ai une lettre de... Maintenant, tous les journalistes de l'AFP font des bouquins, mais à l'époque, j'étais le premier. Donc, ça a fait un scandale, ils m'ont mis au desk, hein, ils m'ont mis où on reçoit les dépêches d'information. Moi, j'étais malheureux comme un... malheureux, mais bon, il y a... Mais t'es plus sur le terrain, quoi. Oui, mais c'est la loi, hein. Je me suis calmé, puis j'ai quitté l'AFP, puis j'ai travaillé dans les hebdomadaires. Bon, il nous reste 20 secondes, juste avoir votre avis sur le film. Qu'est-ce que vous pensez du film? Pour aussi une réussite, c'est bien fait, ça. Écoutez, réussite, moi je serais de mauvaise... Depuis des années, j'essayais que ce film soit porté au cinéma, ce bouquin soit porté au cinéma. Ouais. Puis mon fils était acteur, il a été comédien, il l'est plus maintenant. Mais donc, il m'a présenté ce cinéaste qui a été passionné par le bouquin et je lui rends hommage. Bon, moi je pense que quand on donne un bouquin à faire, on est content. C'est tout, on n'a rien à dire. Merci infiniment pour toutes ces précisions, pour cette affaire que vous avez vraiment vécue de l'intérieur, Ivan Stefanovic. Merci. Au revoir. Moi qui remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Tour de l'Oise, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.